Ok, c'est le respect, man. Ok, vamos avec le respect. Qu'est-ce que tu es? Ok. Le respect, c'est le port de la paix. Chaque jour, le respect m'a fait sentir la paix. La vie des siens, pas le respect. Nous, les sentiments de mes pas. C'est le respect qui passe comme l'air qui flotte dans l'espace. Le respect, nous, est l'âge pour moi. La signe des relations pour appliquer. Et moi, je sens meilleur que le respect. L'ignoration est libérale de ses littérations. Le respect, nous, est simplement si moi. Si nous, sommes pratiques dans toutes les parts de la tasse. On n'est pas la base qui remonte. Car c'est la merde qui dénote. Marcher au pas, ne pas dégager de proches. On est jamais comme des frères. On chasse l'ennemi dans la place. Convivence dans le calme. Chaque jour, le rôle. Et partout la place, la classe, c'est ça qui applique devant des traces, c'est ça qui dénonce dans le rythme de rap. Même los niños saben lo que es respeto, porque su madre le dedica lo que es respeto. Moi, les cultures ne sont pas les mêmes, mais le respect c'est le mismo. Si quieres seguir tu futur en mejor, llévate le mot respeto dentro de tu bolso. Moi, je me plante sans le, la plus tard, moi t'arrache la terre. Je ne sais pas aller comme un enfant perdu le bras de sa mère. Dans l'amour, s'il n'y a pas le respect, non, le sentimiento. La calle est de notre, mais on fait ce qu'on veut, mais on part toujours avec le respect. Le respect, non, c'est simplement sur moi. Le respect, c'est pas parce que tu es riche ou bien tu es pauvre, on est toujours dans les mêmes pieds d'égalité. Je te respecte, tu me respectes pour vivre en paix. Ne joue pas avec le respect, c'est pas un jeu. Ne joue pas avec le respect, c'est pas un jeu. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Yeah, miskin shoulder. Desde Raval, respeto a la gente de la calle. Comme la rythme de rap qui chante dans les palmes de rap. Vivir comme des pigeons, c'est très difficile pour les plantes sans racines de la caille. Niño sin apoyo qui se descresse en la caille. Aprendiendo la vida sin familia en la caille. High pro high, contratiempo. La caille más larga, más charla que me ofrece. Sin ánimo, la parque que me ofrece. L'arma contra la mala vida. Amigos con paciencia, no le quiero ver ni entender. Lo que me escucha pones nervioso. El mundo pascla, se importa. La luna que me despierta con larga calle. Comme le mot clave d'un ordinateur. Dans le riz que t'apprends, boy, nous sommes des amis. La richesse pour nous, on marche dans l'avenir. Portal qu'au bogol, c'est dans nos bourris, hi hi. Jour de midi, tout nous gagne à tambari. Ni moi d'arroda, anda, socha, nora, agiti, la binde, au diamant, hande. Miskin soldo, ko wadu seda, mi wadu seda, how tindren wanna boy. I look my eyes, I ask for my life, I is what I say in my life. Miskin soldier, ok. C'est Longon Man, desde Raval, toujours avec le mot rap. El bis está en la base. Yeah.